Apocalypse chapitre 13. Et je vis monter de la mer, une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme les pieds d'un ours, sa gueule était comme la gueule d'un lion, et le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie, et toute la terre en étant dans l'admiration alla après la bête. Et ils adorèrent le dragon qui avait donné le pouvoir à la bête, et ils adorèrent aussi la bête, en disant, « Qui est semblable à la bête, et qui pourra combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses, et des blasphèmes, et il lui fut aussi donné le pouvoir d'accomplir 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu, blasphémant son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent au ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Il lui fut aussi donné puissance sur toute tribu, langue et nation. De sorte qu'elle sera adorée par tous ceux qui habitent sur la terre, desquels les noms ne sont point écrits au livre de vie de l'agneau, immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un mène en captivité, il sera mené en captivité, si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit lui-même tué avec l'épée. Ici est la patience et la foi des saints. Puis je vis une autre bête qui montait de la terre, et qui avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau, mais elle parlait comme le dragon. Et elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence, et faisait que la terre et ses habitants adorassent la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle faisait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre, à cause des prodiges qu'il lui était donné de faire devant la bête, commandant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait reçu le coup mortel de l'épée, et qui néanmoins était vivante. Et il lui fut permis de donner une âme à l'image de la bête, afin que même l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'auraient point adoré l'image de la bête, fussent mis à mort. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque en leur main droite, ou en leur front, et qu'aucun ne pouvait acheter, ni vendre, s'il n'avait la marque ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence, compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666.